Quand c'est ok, c'est ok. Tu dois sur seul rhythm bouger. Une combinaison avec un chanteur qui s'appelle Colin Roach et un DJ qui s'appelle MC Janik. Tout cela mixé par deux big soupa. L'homme s'appelle Fatman et puis l'homme s'appelle King Jammy. Sweet reggae. Et ça se passe à Kingston. Sweet reggae. Sweet reggae. Aura sa dose, mon nom c'est MC Janik. J'suis pas nouveau dans la partie. Mais t'inquiète pas, qui pour couleur, ce n'est pas mon style. Esprit d'ouverture, je retiens les leçons de la vie. Qui à mon avis ressemble plus à de la survie. Que ce soit à Berlin, à Libreville, ici. Y'a des ghettos déjotés dans les périphéries. Ils ont perdu complètement espoir dans la vie. Ils ne savent pas que sa majesté règne encore aujourd'hui. Sweet reggae. Majesté règne encore aujourd'hui. Bad boy culturel, c'est sa généalogie. Fier de ses pères, il persiste à Paris. Il casse pas les banques, pète pas les voitures, se rend pas mauvais. Dans les plans bien, oui, dans les plans, c'est pas la politique qu'il s'investit. Oui, tous les massifs dans la danse, ils doivent comprendre ceci. Faut aimer pour vivre, il faut vivre pour aimer. Tous les jours de la semaine et tous les mois de l'année. Il ne faut surtout pas t'arrêter. Raga Parsimon, file par là tout le monde. Aura sa dose, raga Parsimon, file par là tout le monde. Aura sa dose. Sweet reggae, sweet reggae, sweet reggae beat. Sweet reggae, sweet reggae, sweet reggae beat. When reggae music hits you, you feel no pain, no pain. It rocks the avenue up the street and down the lane. Rewind. This one dedicated to all the Pasidem. Sweet reggae. Sweet reggae. On those massive. Sweet reggae. Le matin, midi, le soir. Fini par là tout le monde, aura sa dose, raga par si moi, fini par là tout le monde, aura sa dose, raga par si moi, fini par là tout le monde, aura sa dose, raga par si moi, fini par là tout le monde, aura sa dose, mon nom c'est MC Janik, je suis pas nouveau dans la partie, mais t'inquiète pas, qui fout, ce n'est pas mon style.